Wish City, peu après le grand match, dans la rue. Nous marchions en direction du plus grand cinéma de Wish City, le Grand Publix. Mila, la fille du grand dirigeant, nous y avait donné rendez-vous. Comment allait-elle faire pour se défaire des gardes chargés de la protéger? Bah, elle allait se débrouiller. Elle avait bien réussi pour se retrouver dans la galerie Est, l'endroit de notre rencontre. Nous étions les seuls à savoir, les seuls à connaître l'existence de ces milliers de rats aux alentours de Wish City. Des rats qui, d'après les persévères, des ermites médiums, allaient attaquer notre grande cité, semer le chaos. Et d'après eux, nous étions également les seuls à pouvoir s'y opposer. Ça y est, le grand Publix. Bonsoir madame, on voudrait des places pour la prochaine séance. C'est la dernière séance. D'accord, oui. Mais on veut bien des places quand même. Nous sommes rentrés dans le cinéma, sans se douter une seule fois que nous étions suivis. Mais Rodan, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va boire un coup, tu vas pas gâcher une soirée pour ces deux stupides creuseurs. Ouais, on sait que tu peux pas les blairer, mais quand même. Il y a quelque chose qui clenche, les gars. Ce crétin de Squeak et l'autre lourdeau de Booze ont l'air de faire des choses louches. Ça vous tente un petit cinéma? Au cinéma, à Wish City, on y va pour voir les dernières publicités sorties. La salle était à peine remplie. Elle est là, tu crois? On n'a qu'à chercher. Nous avons parcouru les rangées dérangeant quelques spectateurs au passage. Il y avait de tout ici, des creuseurs, des bâtisseurs, des connétables, comme des artistes. Tout le monde allait voir les dernières publicités au grand cinéma. Le cinéma, c'était l'un des seuls endroits où tu pouvais rencontrer des gens différents. Normal, au cinéma, t'es pas obligé de leur parler. Mila était là, assise, à l'avant-dernière rangée de la salle. Nous l'avons rejoint. Vous en avez mis du temps. Vous avez raté le film du début. Pas grave, on arrive juste à temps pour les publicités. J'ai bien cru que vous alliez nous ignorer au stade tout à l'heure. J'ai bien failli. Vous me faisiez pitié. Oui, toujours un plaisir, mademoiselle. Nous nous sommes assis à côté d'elle. Les spectateurs ont bougé dans la dernière rangée, juste derrière nous. Ils s'asseyaient. Faut pas nous faire remarquer. Personne ne doit me voir avec vous, sinon je serai encore puni. Et nous, si votre père savait que vous retrouviez des creuseurs au cinéma, on serait fusillés direct. Waouh, trop bien, des pubs sur les pioches. Garde, Squeak, des pubs sur les dernières pioches. Faites pas attention à lui. J'aimerais bien, mais il prend les deux sièges qui sont à côté de moi et... Vous vouliez me voir pourquoi? Vous savez très bien. Les rats. Il fallait qu'elle prévienne son père à propos des rats. C'était notre grand dirigeant, le chef du gouvernement de Wish City. Il saurait quoi faire. Il m'a pas écouté. Quoi? Ta gueule! Hey, on regarde les pubs, merde! Merde, peux-tu coincer la main entre deux fauteuils, s'il vous plaît? De l'aide! Moi, fort! J'ai pas prévenu mon père, voilà. Mais pourquoi? Ben, vous croyez quoi, vous? Que je peux arriver comme ça et lui dire « Papounet, il y a des rats qui menacent de jeter sur notre cité et de tout détruire !» Ils sont des milliers, Mila. S'ils attaquent, on est fichu. Si on n'est pas préparé, on est fichu. Mon père, il m'écoutera jamais. Je suis qu'une petite poupée pour lui. Allez, laissez tomber, Squeak. Y a rien à faire. Et puis, depuis deux semaines, les rats, ils se sont pas manifestés. Ils sont sûrement partis. Et de ce que disent les persévères, vous vous en foutez? Oh, pitié, vous allez pas croire ces sornettes. Si, j'y crois depuis que j'ai vu les rats. Mais vous l'avez dit vous-même, la dernière fois, Mila. Je ne suis qu'un creuseur. Je ne peux rien faire. Oh, elle était drôle, cette pub. Hein, qu'elle était drôle. C'est pas Booze qui va m'aider, vous le voyez bien. Squeak, je dois vous laisser. Merci pour... Enfin, j'avais pas trop eu l'occasion de vous le redire, mais pour la première fois, vous m'avez sauvé. Mais vous venez de le dire aussi. Vous n'êtes qu'un creuseur, et moi, je suis la fille du grand dirigeant. Alors adieu, c'est ça? Voilà. Adieu. Vous êtes vraiment très gentil. Ouch, ça fait mal. Quoi? Bah, non, quand on commence par vous êtes très gentil, ça sous-entend qu'on n'est pas beau. Waouh, je vais pas coucher avec toi, mais arrête, non, pas par là, tu me fais mal. Bah, vous êtes gentil, mais nous ne sommes pas du même monde. Adieu, et encore merci. Elle s'est levée. Elle est partie. Nous n'étions pas du même monde, mais nous vivions dans les mêmes galeries. Et ces galeries étaient menacées par les rats. Allez, viens, Booze, on y va nous aussi. Mais c'est pas fini! Chut! Je te réinviterai au cinéma, promis. Nous aussi, nous sommes sortis du cinéma. Sans savoir qu'à la rangée derrière nous, quelques bafouiches avaient pris soin d'écouter notre conversation. C'est quoi cette histoire de rats? J'ai pas compris. Des rats? Proche de Wish City? Et Squeak qui fricote avec la fille du grand dirigeant? Ozen, t'as vu la pub là? Elle est drôlement bien, hein? La ferme! Squeak et Mila, le fils de pute. Des rats, hein? Eh bien, Squeak, gare à ton cul parce que Rosencraft va bientôt y mettre des rats à courir derrière. Pour écouter les sensations des gars. Bye, Fouiche. Bye, Fouiche.